spectre, le sens différent, la tactique, figure traducir, vous ne voyez pas son visage, mais vous définissez ses seins sans regarder, mais vous définissez son corps sans le voir. Il a fatigué et affamé, tente de calmer sa soif, cherchez à calmer ses envies, cherchez à se repasser sa être. Les scènes différentes, la tactique, de scène en scène, de contexte en contexte, écoutez, ressentez, percevez. Nous cherchons la lumière dans leur visage. Nous cherchons la lumière dans leur intérieur. Nous cherchons la lumière au-delà de leur âme. Nous cherchons la lumière dans l'impulsion de leur quarks. Figure translucide, maintenant, vous définissez son visage en voyant et ce sens de la séduction dans l'expression. Et son corps dans les flammes de la passion. Endormi ou éveillé, c'est pour être le moi. Les femmes est ce qui a subjugué votre sens et vos sentiments. Son profil est à bas, mais son cou brûla et se refléta dans les vôtres. Son profil n'était pas spécifique. Et ce n'était pas que la polygamie soit reflétée. Vous étiez clair qu'il y aura une délimitation finale. Les scènes différentes, la tactique, figure translucide. Vous ne voyez pas son visage, mais vous définissez ses scènes sans regarder, mais vous définissez son corps, sans le voir, Jules César, le cave.